Le cours des entraîneurs de football de classe supérieure de la FIFA s'est déroulé en Corée du 19 au 23 juin au stade Kim Il-sung. Y ont participé les entraîneurs des clubs sportifs de catégorie centrale. Le cours a traité les problèmes théoriques et pratiques posés dans les entraînements, tels que le rôle des entraîneurs, le système des matchs et les exercices de vitesse.